moment faut nous laisser ça man. Les futilités faut nous dead ça man. On comprend pas les pièges ça man. Du coup laisse tomber. Laisse tomber.